Un jour tu nous rappelleras. Oh Allah, tout volera en éclats. Oh Allah, que j'ai fait pour toi ici-bas. Oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là. Oh Allah, un jour tu nous rappelleras. Oh Allah, tout volera en éclats. Oh Allah, que je fais pour toi ici-bas. Oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là. Mon cœur ne cesse de frissonner, devant toi je reste fasciné. Des fois j'essaie de ressembler au grand compagnon agréé. Et moi je ne peux qu'admirer de cet amour qu'ils ont donné, de ces larmes qui ont coulé pour Allah et son messager. Passant leur journée à jeûner et toute leur nuit à veiller, sur leur visage il est resté des empreintes, des marques de piété. Ils n'avaient peur d'aucune armée, mais devant Allah se pliaient. Leur cœur ne cessait de trembler à l'approche du jugement dernier. Oh Allah, un jour tu nous rappelleras. Oh Allah, tout volera en éclats. Oh Allah, que je fais pour toi ici-bas. Oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là. Oh Allah, un jour tu nous rappelleras. Oh Allah, tout volera en éclats. Oh Allah, que je fais pour toi ici-bas. Oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là. 13 ans de fois ils ont cherché, 13 ans de fois ils ont goûté, sans cesse étaient persécutés, pour Allah ils ont tout laissé, toute leur fortune pour émigrer, ils étaient prêts à tout donner, dans leur cœur était imprégné l'amour d'Allah et du messager. Après la mort de l'envoyé, ils ont transmis la vérité, ensemble ils ont éparpillé l'islam à toute l'humanité. À travers mer on a navigué, franchi les monts les plus élevés, pour qu'on puisse tous écouter la parole d'Allah l'exalter. Oh Allah, un jour tu nous rappelleras. Oh Allah, tout volera en éclats. Oh Allah, que je fais pour toi ici-bas. Oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là. Oh Allah, un jour tu nous rappelleras. Oh Allah, tout volera en éclats. Oh Allah, que je fais pour toi ici-bas. Oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là. Tant d'années se sont écoulées, combien de saisons ont fané, mais à jamais je n'oublierai tout cet effort qu'ils ont donné, même n'étant plus à nos côtés, en leur mémoire je peux penser, à travers leur grande épopée, mon cœur ne cesse de briller, pas un jour ne peut se lever, sans qu'on ne puisse les remercier. J'aurais voulu les rencontrer, car leurs histoires m'ont renforcé, toute cette force qu'ils m'ont donnée, en Allah je peux espérer. Tous les jours je peux demander de guider ma communauté. Oh Allah, un jour tu nous rappelleras. Oh Allah, tout volera en éclats. Oh Allah, que je fais pour toi ici-bas. Oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là. Oh Allah, un jour tu nous rappelleras. Oh Allah, tout volera en éclats.